Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. L'histoire que je vais vous raconter est un condensé des folies de notre époque. Une époque où l'on marche sur les mains, ou plus exactement, une époque où les roues ne roulent pas. Behind every milestone and every innovation, in every industry, craft and trade, there exists a mover. Someone who gets things where they need to be and gets them there fast. Cette histoire, c'est celle des camions de marque Nikola, une start-up valorisée des milliards. Pas mal pour un constructeur de camions incapable d'en faire rouler un. L'incroyable échec de Nikola commence avec un film publicitaire que vous allez nous décrire, Juliette Deveau. Bonjour. Bonjour. Que voit-on ? Eh bien, on voit un camion au design moderne avancer à très bonne allure sur une route déserte et ensoleillée. Parfait, mais alors qu'est-ce que vous lui reprochez à ce film ? Eh bien, la supercherie a été découverte que le camion n'avançait pas grâce à la puissance de son moteur à hydrogène. Il avait en réalité été tracté par les équipes de Nikola et dévalait une pente. Pour se défendre, les responsables ont répliqué qu'ils n'avaient jamais dit que le camion avançait grâce à son moteur. Bah oui, personne n'avait imaginé que la technologie utilisée par Nikola était en réalité celle dite de la caisse à savon. Alors avant de revenir sur cette supercherie, il faut que je vous explique pourquoi cette entreprise avait choisi un prénom pour marque. Super Fail. Nikola avec un K, c'était l'idée de Trevor Milton, PDG et fondateur de la marque. Nikola, avant de désigner des camions à l'hydrogène, était le prénom de Monsieur Tesla, génial inventeur d'origine serbe qui, au 19e siècle, a inventé rien moins que le courant alternatif. Mais Nikola a aussi donné son nom à Tesla, la fameuse marque d'automobile dirigée par Elon Musk. Et Trevor Milton, en fan absolu d'Elon Musk et de ses automobiles électriques, a donc décidé de donner à son entreprise de camions le nom de Nikola. En fait, il ne s'est pas contenté de s'inspirer du prénom de Tesla, il a aussi décidé d'assumer la part de dinguerie d'Elon Musk. Car Musk ne fait rien comme les autres patrons, il tweet, braille, dénonce, et ça marche du tonnerre de Dieu. Du coup, Trevor Milton s'est dit qu'il fallait faire exactement la même chose, multipliant les déclarations bravaches, les phrases à l'emporte-pièce. C'est ainsi par exemple que Trevor Milton claironnait, je cite, « se foutre de ce que quiconque dit ou pense ». Interrogé par le journal Les Échos, il estimait même que cette indifférence absolue au jugement d'autrui était la marque des grands patron. Alors c'est sûr qu'à cette aune-là, il ne redoutait personne. Trevor Milton est indéniablement un original. Il n'est pas diplômé d'une école de commerce, mais relève de ce qu'on pourrait appeler en France le modèle Amish, ou plutôt, pardon, du modèle mormon. Preuve que l'on peut très bien appartenir à une église qui passe pour marginale, exotique à nos yeux de Français, et se révéler un vrai requin dans le domaine des affaires. Et Trevor Milton a admirablement réussi, en tout cas au début. Écoutez ce qu'en dit Nathan Hooch, analyste pour Zone Bourse. Nikola est entré en bourse début juin 2020 au prix d'environ 37 dollars, ce qui représentait à l'époque l'équivalent de 12 milliards de dollars en capitalisation boursière. Donc très vite, on constate l'engouement des investisseurs pour la valeur, puisque le cours en l'espace d'une semaine monte à près de 95 dollars. Pour vous donner un ordre de comparaison, quand Nikola était sur les plus hauts en bourse, c'était l'équivalent en termes de capitalisation boursière de Ford, alors que Ford réalise un chiffre d'affaires de 144 milliards de dollars. Tout ça alors même que Nikola n'a réalisé aucune vente de véhicules et n'a produit aucun camion à ce jour. Le monde de la bourse est incroyablement grégaire. Voilà pourquoi les actions de ce fabricant se sont arrachées. Je pense qu'il y a surtout un phénomène psychologique derrière tout ça. C'est ce qu'on appelle un peu le FOMO, le Fear of Missing Out. En français, c'est la peur de passer à côté. Les investisseurs particuliers, eux, ils ont peur de passer à côté du prochain Tesla et de louper un gros investissement qui pourrait leur rapporter gros. Et après, il y a les industriels, donc ces grandes industries automobiles, qui veulent un peu la part du gâteau dans tout ce qui est marché du véhicule électrique, du véhicule propre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a constaté récemment, le 8 septembre, que General Motors avait pris 11% de participation dans Nikola, soit l'équivalent de 2 milliards. là, le titre Nikola a bondi de 41% en une seule séance et General Motors a pris 8%. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment les industriels et les investisseurs qui ont peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait se révéler être la prochaine entreprise qui pourrait révolutionner finalement les camions de demain et le transport de demain, en fait. On l'a compris, en bourse, l'hydrogène faisait des merveilles. Sur route, c'était une toute autre histoire. Le 8 septembre, on a l'annonce du partenariat avec General Motors. Et deux jours après, on a le cabinet de recherche Hindenburg qui publie son rapport et qui met en avant des fraudes, en fait, que finalement, Nikola n'est qu'un tissu de mensonges. Donc le cabinet a des doutes sur la capacité de Nikola à révolutionner le monde de l'hydrogène, le monde du camion, le véhicule propre finalement. Donc il va mettre en avant plusieurs mensonges. Par exemple, Trevor Milton promet de construire un réseau global de stations à hydrogène. Alors pour l'instant, le réseau n'est toujours pas existant, on n'en a toujours pas vu la seule preuve. Et d'ailleurs, il a nommé directeur de la production de l'hydrogène son frère, Travis Milton. Il était indépendant dans la construction à Hawaï. Mais finalement, les investisseurs doutent de sa capacité et des connaissances pour l'hydrogène, parce que quand on travaille sur ce type de gaz, on s'attend forcément à un scientifique, à un ingénieur spécialisé sur l'hydrogène. Ensuite, l'histoire des panneaux solaires. Alors en fait, Trevor Milton avait indiqué que sur le toit du siège social de Nikola, il y aurait l'équivalent de 3,5 mégawatts de panneaux solaires pour rendre l'entreprise indépendante en énergie. Et dans le rapport Hindenburg, finalement, l'analyste va faire des captures d'écran sur Google Earth du siège social où on ne voit aucun panneau solaire sur le siège social de Nikola. À propos de Trevor Milton, avant de commencer Nikola, il a créé plusieurs entreprises. C'est un serial entrepreneur, si on peut dire. Il a commencé en créant un site internet qui s'appelait youpilar.com. Et à l'époque, il se vantait de battre Amazon et eBay parce qu'il revendiquait 80 millions d'utilisateurs sur le site. Et que s'il n'avait pas été basé dans l'Utah, mais plutôt dans la Silicon Valley, il serait à la place d'Amazon aujourd'hui. Parce que dans l'Utah, ils étaient moins avancés dans tout ce qui est l'investissement sur l'Internet. Et finalement, il ferme la société. Il ne nous dit pas trop bien pourquoi. Et on apprend dans le rapport Hindenburg qu'un ancien employé avait indiqué que finalement le trafic était tellement bas qu'on était loin des 80 millions d'utilisateurs et que les employés, le staff, les collaborateurs n'avaient finalement pas grand-chose à faire de leur journée. Il a créé d'autres entreprises, donc D-Hybrid, donc c'était sur les camions propres. Ça commence très fort avec D-Hybrid, il sécurise un contrat de 16 millions de dollars avec un transporteur américain et la société investit 2 millions dans D-Hybrid, soit l'équivalent de 9% de la société, et le PDG de Swift Transportation, il est un peu sceptique. Donc avant de valider le contrat de 16 millions, il demande de produire 10 camions pour pouvoir débloquer le contrat. Seulement, D-Hybrid n'en produit que 5. Et parmi les 5, il y avait plein d'exigences qui ne répondaient pas au contrat. Il y avait des pannes, il y avait des problèmes techniques. Donc au final, rien qui ne respectait le contrat. Swift Transportation fait un procès à D-Hybrid. Et Trevor Milton, l'ancien PDG maintenant de Nikola, il cherche des nouveaux investisseurs pour se renflouer. Pour ça, il va prétendre que son contrat avec Swift valait 250 millions de dollars, alors qu'en réalité, il n'en valait que 16. Donc c'est ce genre de mensonge qu'on a tout au long de l'histoire et du rapport Hindenburg. Nikola, une entreprise dont le succès tenait à un fil, et quand je dis un fil, il faut l'entendre au sens propre. This thing fully functions and works, which is really incredible. Come here, buddy. Ce qu'ils appellent le Nikola World, donc c'était une grosse conférence qui mettait en avant un peu le camion Nikola One. Et en fait, Trevor Milton disait qu'il était complètement fonctionnel, que ça allait révolutionner le transport de demain. Et donc, il y a des journalistes qui rentrent dans la cabine du camion, ils peuvent jouer, tester les écrans. Et finalement, dans le rapport du cabinet de recherche spécialisé, on a une photo qui montre un câble qui passe par le sol et qui vient relier le camion. Et en fait, cette photo-là montre que le camion est alimenté par un câble pour pouvoir allumer les écrans. Et donc que finalement, le camion n'est pas du tout autonome et qu'il n'est pas encore fonctionnel. Est-ce à dire que l'on va attendre le camion à hydrogène comme d'autres attendaient Godot ? J'ai voulu poser la question à Clément Leroy, il est expert au sein du cabinet de conseil Wavestone. Il faut revoir toute la chaîne de propulsion, passer d'un véhicule à moteur thermique à un véhicule propulsé à l'hydrogène, tout comme un véhicule à batterie, c'est pas uniquement une évolution mineure, c'est tout un système d'intégration de la chaîne de traction et de propulsion à repenser. Alors, dans les véhicules légers, c'est déjà quelque chose qui est relativement compliqué, parce qu'il y a ce sujet d'emplacement de la batterie, des réservoirs qu'il faut revoir. Pour la mobilité lourde, comme un camion, c'est un challenge également très important, sachant que le monde de la mobilité lourde, et donc en particulier du transport et de semi-remorques, n'a pas connu de grandes révolutions tout au long de la deuxième partie du XXe siècle. Donc là, on est vraiment dans un tournant. Alors le fait de disposer de camions à hydrogène sur nos routes, hein, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, c'est quelque chose qui est relativement court terme. La promesse initiale de Nicolas, c'était la production en masse à horizon 2023, donc autant dire demain à l'échelle de ce temps de l'innovation. En parallèle, la société Tesla avance aussi à marche forcée sur la mise sur le marché de son modèle dit semi, donc qui est également un prototype lourd de transport, qui est également attendu dans un horizon des 3 à 5 ans à venir à échelle industrielle. Donc voilà, on n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans des horizons de temps extrêmement longs. Et ensuite, il faut effectivement avoir des usines pour fabriquer en masse ces modèles. Bref, ce que prouve l'exemple de Nicolas, c'est qu'il n'y a pas que le moteur à explosion dans la vie. Aujourd'hui, la machine à buzz produit encore plus d'énergie, ou plus exactement, elle peut faire énormément de bruit en bourse quand la bulle éclate. Superfell a été ruiné par Félicie Faugère et Vivien Demeyer à la réalisation, piétiné par Juliette Devaux à la production et enfin détruit à la technique par Stéphane Poitevin. Superfait.